Ils sont malades, ils ont tous voluté. La vida loca de la fumée les a butés. Ça me fait rigoler. La mala les a cuits. Elles se baladent comme des droguées. Se font toutes tramer dans le quartier. Elles cherchent à grimper dans le AMG. Si tu en manques de la moula, tu n'as qu'à demander. Ils sont où? Ils sont morts. Ils fument, ils disent encore. Elle lui dit arrête mi amore. J'suis trop drogué. Ils ont tous drogué. Drogué. Jusqu'à la moitié. Drogué. Ils ont tous drogué. Drogué. Jusqu'à la moitié. Où je meurs, les effets de la moula te rendent folle, ma sœur. Tu ris sur ma vie, touché comme une balle dans le cœur. Si tu prends mon médicament, tu dors dans l'heure. Ils sont drogués, ils ont tous drogués.